Hier, nous sommes approchés de l'exercice de la justice médiévale. Demain, nous nous interrogerons sur la demande de justice en général dans différentes périodes de l'histoire. Et ce matin, c'est d'épuration dont nous allons vous parler à l'occasion de l'apparition d'un ouvrage de synthèse inédit publié en poche. Les deux auteurs, spécialistes de l'épuration, cherchent en effet à se rapprocher des épurés et des épurateurs. Ils insistent sur la dimension de proximité de ce phénomène pendant l'année où il s'est développé, c'est-à-dire entre l'été 1944 et l'été 1945. François Rouquet et Fabrice Virgili remontent aux solutions qui ont été pensées à Londres et à Alger avant la libération du pays pour épurer l'administration au sortir de la collaboration. Bref, c'est un ouvrage important, un travail complet qui s'attache également à la mémoire de cette épuration depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Nous allons tout de suite recevoir les deux invités qui sont les deux auteurs de ce livre. Bonjour François Rouquet. Bonjour Emmanuel Laurentin. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Rennes et nous remercions ces studios de vous accueillir. Et bonjour à vous Fabrice Virgili. Bonjour. Merci d'être avec nous pour le livre que vous avez publié tous les deux qui s'intitule « Les Françaises, les Français et l'épuration ». Alors, on a l'impression que de tout connaître sur l'épuration d'une certaine façon, ou du moins on a une impression de connaissance peut-être vague, mais au bout du compte, d'avoir un avis sur l'épuration. Et c'est quelques 600 pages pour ce qui est du texte et 822 pages ou 32 pages pour les notes en plus, surprennent d'une certaine façon Fabrice Virgili. Parce que au bout du compte, vous avez tous les deux travaillé sur cette question de l'épuration depuis longtemps. Ça fait quoi, 20 ou 30 ans que vous y travaillez, oui, tous les deux. On va dire comme ça. Voilà. Et vous faites une synthèse, un inédit, dit pour Folio Gallimard, donc il faut conseiller parce que c'est un livre qui ne coûte que 11,90 € et c'est important pour les étudiants et les étudiantes en particulier. Vous faites une synthèse des connaissances sur cette question de l'épuration et vous avez choisi l'un et l'autre de partir par en bas. Pourquoi partir par en bas pour parler de l'épuration, Fabrice Virgili? Parce que c'est vrai que beaucoup de choses avaient été faites, mais une grande partie, même si ça a été renouvelé, on y reviendra, je pense, par des travaux plus récents, se préoccupait surtout de la dimension politique et judiciaire. Pour une raison assez simple, dès l'après-guerre, et même alors que l'épuration avait encore lieu, les juristes s'y intéressent en particulier, parce qu'il y a tout un arsenal juridique qui est mis en place, et ce sont les premiers à s'intéresser à la fabrique de cette justice. Et longtemps, la dimension politique a finalement été le prisme principal pour envisager l'épuration. C'est depuis la thèse de François Rouquet, entre autres, et d'autres que la dimension sociale, la dimension de genre, la dimension culturelle de l'épuration ont également été envisagées. Et puis un autre aspect qui est assez important, je crois, dans ce renouvellement, c'est la dimension de proximité. Ce qui est lié à cette vision d'épuration par le bas. Parce que ce soit, encore une fois, François Rouquet dans son étude sur l'administration, moi-même à propos des Tontes, Luc Capdevila dans le voisinage et d'autres, cette dimension de proximité, le fait que, bien sûr, les grands responsables sont jugés, mais il y a une volonté d'en découdre, de se venger, de s'en prendre à ceux que l'on a vus collaborer, qui est, selon nous, un des éléments principaux de cette question. Oui, François Rouquet, c'est effectivement le travail que vous avez mené il y a déjà maintenant quoi, une vingtaine d'années pour votre thèse, c'est cela, François Rouquet? J'ai soutenu ma thèse en 88. Ah oui, c'est même un peu plus que 20 ans, voilà. Lorsque vous avez mené sur cette thèse sur la question de l'administration, pourrait-on dire, et de la relation de cette administration à l'épuration, vous avez travaillé effectivement sur une épuration quotidienne, alors que souvent, on a voulu voir dans cette question de l'épuration l'exceptionnel, et vous, comme d'autres historiens, et on vient de le dire avec Fabrice Virgili, travaillez sur la façon dont pendant une grosse année, parce que c'est surtout une année qui compte autour de cette question de l'épuration, et bien pendant une grosse année, cette épuration a été un mode quotidien de pensée, pourrait-on dire, François Rouquet. Alors, quotidien de pensée, oui, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de montrer dans le livre, d'abord, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, cette épuration, elle ne commence pas en 1944, bien elle ne commence pas avec la libération, elle commence bien avant. Et on trouve elle commence même pendant la guerre. dès 1940. C'est-à-dire que dès 1940, il y a déjà des gens qui en menacent d'autres en disant « si tu collabores, tu vas voir ce qui va t'arriver après la guerre ». Alors qu'évidemment, tout cela est très hypothétique. Mais on sent monter en puissance des menaces, notamment par la radio. Il y a ce qu'on appelle les mises au pilori sur la BBC. En 42-43, qui établissent des listes, enfin à partir des listes établies par les réseaux et les résistants qui leur transmettent, qui énoncent les noms des gens qui sont considérés comme étant des collaborateurs, et en fait qui utilisent l'épuration à venir comme une arme psychologique et un moyen donc de ménager les ardeurs des collaborateurs. Et ça marche d'ailleurs assez bien. C'est-à-dire que ça fait peur. Exactement, ouais. Exactement. Le chanvre purificateur, par exemple, est une menace brandie par Pierre Dac ou par d'autres qui peut faire peur à quelqu'un qui est un collaborateur et qui se dit d'un seul coup, effectivement, si la situation se retourne, ça pourrait être mal tourné pour moi. Absolument. Et Pierre Dac, évidemment, fait ça avec énormément de talent, et il a des sketchs, des réparties, des dialogues qu'il invente, des histoires qu'il invente qui sont extrêmement drôles. On en a d'ailleurs recensé quelques-unes en lisant les comptes rendus de la BBC. Vous parliez de ma thèse en 88. La question que je m'étais posée à l'époque, et j'avais eu la chance de pouvoir avoir accès au dossier personnel d'épuration, simplement parce que Louis Mexando était à l'époque ministre des PTT et avait décidé de créer un comité d'histoire. Et j'avais donc eu cette facilité. C'est parce que vous avez fait votre thèse justement sur la question de l'épuration au sein de l'administration des PTT en particulier. Exactement. Et puis ensuite de l'éducation nationale, ce qui représentait la moitié des fonctionnaires français. Donc ce qui permettait quand même d'avoir une vision à la fois large et précise du phénomène. Avec en plus une parité qui était respectée, la parité du point de vue du genre, et puis évidemment du point de vue géographique, une répartition qui était tout à fait acceptable. Ce qui m'avait frappé en voyant ces dossiers, c'était la question que je m'étais posée, c'était de dire, au fond, qu'est-ce que c'est que la collaboration et comment peut-on établir une définition de la collaboration à partir précisément des actes ou des opinions qui ont été sanctionnés. Donc j'avais établi un certain nombre de catégories divisées en trois, les opinions, les actions et puis tout ce qui était inclassable. Catégories donc à partir de ce que je voyais dans ces dossiers, il y en avait en tout 8000. Et donc en plus, ils traversaient toute classe sociale, puisque dans ces administrations, il y a des ministres naturellement, il y a des ingénieurs, il y a des secrétaires généraux, il y a des ouvriers, des instituteurs. Enfin bon, donc on avait finalement une vision assez crédible de la société française. Et je dois dire que, d'ailleurs, après, ma satisfaction a été de voir que la grille que j'avais établie fonctionnait toujours. Ce qui évidemment, me faisait plaisir. Alors, l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment, sur le terrain, les choses s'étaient passées. Et alors, l'avantage en plus de ces archives administratives, c'est qu'elles étaient jugées par la même instance, ce qui permettait d'éviter tous les biais liés au changement de type de tribunal. Exactement. Dans certaines régions, dans certains départements, selon la couleur politique. Et donc on arrivait à bien percevoir d'abord cette grande demande sociale d'une justice. On voyait bien que personne n'aimait les Allemands, excepté quelques égarés, quelques facteurs qui étaient devenus miliciens, mais il y en avait vraiment très peu. Personne n'aimait les Allemands, et que se construisait finalement autour de cette question toute une problématique qui était bien plus complexe que ce que l'on pouvait penser. Surtout dans cette période d'après-guerre, jusque dans les années 80, d'hégémonie, de cette vision d'une résistance plus ou moins collective, enfin ce qu'on a appelé résistentialisme d'une certaine manière. Ouais. On voyait que les choses étaient très complexes et que finalement, selon les endroits, selon les services, on pouvait assister à des constructions du collaborateur qui pouvaient être extrêmement, extrêmement variables. Oui, alors c'est d'ailleurs la grande vertu de votre livre à tous les deux, donc François Rouquet et Fabrice Virgili, que de travailler dans Les Françaises, les Français et l'épuration sur un espace de temps plus large que ce qu'on imagine. C'est-à-dire, comme l'a dit François Rouquet, on commence dès la défaite, pourrait-on dire, avec les menaces à ceux qui pourraient collaborer avec les Allemands. On va beaucoup plus loin que la période de la guerre, puisque vous allez aussi sur la mémoire de cette épuration dans ce livre, donc chez Folio Histoire, mais aussi avec un espace géographique qui est plus large que la simple métropole, puisque vous vous intéressez beaucoup aussi à la question de ce qui se passe, par exemple, dans les colonies ou dans les espaces extra-européens de l'Empire français, qui, pour certains, disent quelque chose de ce qui se préparera pour la libération du territoire métropolitain, et pour d'autres disent autre chose parce que ça n'est pas toujours uniforme. Et c'est cela qui était très intéressant, justement, Fabrice Virgili. Oui, c'est vrai que cette histoire de l'Empire et ce chapitre sur l'Empire n'était pas forcément évident à mener parce que il n'y a pas d'études pour chacune des parties de l'Empire sur l'épuration. Selon qu'on est en Indochine, selon qu'on est en Afrique occidentale, selon qu'on est en Algérie, en Tunisie ou dans les Antilles. Mais il me paraissait important de l'intégrer parce que, d'une part, on sait, et on pourra là aussi revenir ce qui se passe à Alger au moment où, après le débarquement de novembre 1942, et comment là va se mettre en place finalement une sorte de répétition de l'épuration qui aura lieu en métropole. Mais dès le tout début, c'est-à-dire dès le passage de l'Afrique équatoriale française dans le camp de la France libre, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont choisi Vichy? Et c'est vrai que les réponses sont extrêmement différentes. On s'étend là de l'automne 40 jusqu'à, pour l'Indochine, après août 45. Donc on a vraiment sur toute la durée un questionnement. Oui, il y a Madagascar, il y a la Réunion, il y a l'océan Indien, enfin il y a tout un tas d'endroits. Guyane. Qui sont effectivement des endroits qui ont chacun leur particularité. Et vous expliquez bien dans ce chapitre consacré à l'Empire et à l'épuration, effectivement, qu'il y a des réponses qui sont des réponses singulières selon le moment de la guerre selon l'endroit où on se trouve. Oui, mais c'est vrai que la chronologie compte, je crois, beaucoup dans cette épuration dans l'Empire, car au début, la réponse est essentiellement militaire et donc britannique, puisque ceux qui représentent l'armée de Vichy, étant considérés comme un État reconnu, entre autres, par les États-Unis avant décembre 1941, sont donc prisonniers de guerre. Et puis, petit à petit, la France libre, de Gaulle, vont faire en sorte qu'ils puissent aussi agir et épurer les gouverneurs. Mais attention, parce que il y a là une fragilité de l'Empire, déjà par la conquête, par exemple, de l'Indochine par les Japonais, mais il y a une fragilité de l'Empire, c'est-à-dire à force de trop épurer les élites coloniales, on risque tout simplement de discréditer la domination coloniale. Et c'est ce que vous expliquez très bien tous les deux, François Roquet, c'est que effectivement cet Empire, il ne faut pas trop le fragiliser, parce que si par hasard, effectivement, ceux qui sont à la tête de l'Empire, que ça soit au Tchad, que ça soit en Indochine ou ailleurs, eh bien venaient à être mis en accusation et peut-être épurés, justement, eh bien on n'aurait plus personne pour pouvoir diriger ces territoires, et on risquerait d'un seul coup de faire basculer, comme d'ailleurs dans les Antilles, ces territoires dans l'indépendantisme, parce que ce que vous expliquez très bien et que je ne connaissais pas pour ma part, c'est que les résistants qui ont soutenu la France libre vont être ceux qui, à la libération, vont même être condamnés pour avoir justement eu des velléités d'indépendance, François Roquet. Oui, absolument. Il y a un choix qui est très clair, hein. C'est de préserver l'Empire. Le chapitre qu'on a rédigé là-dessus s'appelle « Épurer ou maintenir l'Empire ». Donc, comme l'a dit Fabrice, il y a effectivement cette volonté, avec des cadres qui sont à la fois mis en cause, et en même temps, très vite, on se rend compte qu'on est bien obligé de les garder. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, il y a un empire, il faut le gouverner, il y a des gens qui sont en place, ils sont là depuis longtemps, et même s'ils ont commis l'erreur de travailler pour Vichy, eh bien, on va peut-être les conserver, en tout cas pour les administrateurs, peut-être pas les principaux, mais en tout cas les autres administrateurs vont être conservés, François Roquet. Oui, absolument, absolument. Cet empire, il a d'ailleurs eu toute son importance dans l'existence de la France libre et dans le jeu entre la France libre, Londres, Vichy, tous les atermoiements qu'il peut y avoir autour de la question de la légitimité du pouvoir à Alger. Eh bien, il va de soi que cette question de l'empire prend tout son sens, et on tient absolument à conserver l'Empire. Avec parfois des situations qui sont assez complexes, puisqu'en Indochine, par exemple, qui demeure dans le giron de Vichy jusqu'en en février ou mars 45, la question est, enfin la question de l'épuration et de la collaboration est évidemment totalement particulière. Mmh, très différente des autres morceaux de ce même empire. Fabrice Virgili, par exemple, Jean-Pierre Bloch, et vous le citez, qui est adjoint de Dastier, Emmanuel Dastier de la Vigerie, dit l'épuration manquée en Algérie permettrait aux collabos de redresser immédiatement la tête en France après la libération. Donc il y a un cas particulier, cette arrivée effectivement des troupes américaines en Afrique du Nord à partir de novembre 1942, cette discussion ou ce débat ou cette opposition entre Giraud et De Gaulle à partir du moment où De Gaulle arrive le 30 mai 1943 à l'aéroport d'Alger, et cette idée que il faut peut-être imaginer la sortie de guerre et donc l'épuration possible de ceux qui ont collaboré avec les Allemands et avec Vichy, il faut imaginer la sortie de guerre dès cet endroit et dès ce lieu qui est l'Afrique du Nord pour pouvoir réussir quelque chose qui se passerait en France métropolitaine et quasiment en même temps d'ailleurs en Corse, puisque la Corse est le premier territoire français métropolitain libéré. Oui, l'enjeu est considérable. On évoquait la peur tout à l'heure. C'est clairement à ce moment-là, et entre autres autour du procès Pucheux, que... Pierre Pucheux, ancien ministre de l'Intérieur, rallié à Giraud et qui va partir du côté de l'Afrique du Nord en espérant d'une certaine façon se blanchir auprès des nouvelles forces qui ont pris le pouvoir en Afrique du Nord et qui, au bout du compte, va être à la fois passé en procès et puis exécuté dans cette même Afrique du Nord. C'est vrai que l'exécution de Pucheux en mars 44 sonne très clairement comme un avertissement pour tout le camp de la collaboration en France occupée. Hein. Il n'y aura pas d'indulgence. C'est-à-dire que ceux qui ont trahi seront poursuivis, punis jusqu'à la mort, et c'est le cas de Pucheux. Et c'est ce que dit d'ailleurs dans une archive de Paris vous parle sur la chaîne nationale, on est en novembre 1944, le 6 novembre 1944, Jean Guinbert, qui a suivi la guerre en tant que reporter et journaliste donc du côté de la France libre, qui parle de l'épuration des collaborateurs. Il semble que malgré une certaine lenteur au démarrage, l'œuvre d'épuration soit désormais en bonne route. Qu'il s'agisse du travail des commissions professionnelles ou de celui des tribunaux, tout nous permet de penser que les mesures qui s'imposent sont prises contre ceux qui ont manqué à leur devoir de patriotes. Certes, il arrive que des décisions ou des verdicts nous surprennent par leur indulgence. Ce n'est pas, en effet, avoir une âme de bourreau que de souhaiter voir châtier tous ceux qui ont accepté de collaborer avec l'ennemi, qui ont trahi leur pays alors que tant d'autres, parce qu'ils résistaient, étaient pourchassés, traqués, torturés, exécutés. Il faut reconnaître que la tâche des commissions d'épuration ou des cours de justice est extrêmement délicate, car on se trouve très rarement en face du collaborateur type, en face de celui qui, pendant ces 4 années, n'a fait que collaborer. Ce qui souligne le mieux la mauvaise qualité humaine de tous ceux qui ont travaillé avec l'ennemi, c'est que dans le même temps, ils se préoccupaient de constituer leur dossier de dédouanage, jouant les deux tableaux, prenant leur garantie des deux côtés. Il n'y a pas un collaborateur, si modeste soit-il, ou si haut placé qu'il ait été, qui n'ait à verser au débat qui le concerne quelques témoignages d'une activité prudente en marge de la résistance. Celui-ci, qui est accusé d'avoir collaboré à un journal financé par les Allemands, argue qu'il a, d'autre part, donné asile à quelques juifs persécutés. Celui-là, qui faisait à Radio Paris des émissions de propagande nazie, s'enorgueillit d'avoir caché des parachutistes alliés. Et le plus curieux, c'est que ce n'est pas toujours faux. On conçoit que les juges soient tentés d'établir une sorte de balance entre les fautes et les mérites, et que, si les mérites sont évidents, ils atténuent la sanction. Évidemment, cela constitue une sorte de prime à la contre-assurance qui n'a pas beaucoup de qualité morale, puisque cela revient à dire à ceux qui ont misé sur les deux tableaux, à ceux qui ont eu l'astuce de se préparer des alibis qu'ils ont en somme, fait une assez bonne affaire. Soyez assurés que le jour où l'on jugera les Pétain, les Lavas et leurs complices, ils auront tout un lot de soi-disant bonnes actions à mettre dans la balance avec laquelle on pèsera leur destin. On nous racontera qu'on a voulu rouler les Allemands, que dans bien des cas on y a réussi, qu'on a sauvé des hommes et des femmes de la déportation, qu'on en a fait libérer d'autres. On nous prouvera, on essaiera de nous prouver que pas un instant l'on a cessé de croire à la victoire des Alliés, que si l'on a fait quelques concessions à l'ennemi, c'était pour mieux tromper sa confiance et pour tenir davantage de lui. Il y a dans tout ce maquignonnage quelque chose d'assez répugnant. Cette espèce de troc, dont la vie des hommes et leur liberté étaient l'enjeu, ce mal que l'on se donnait pour essayer d'équilibrer les réalités de la trahison avec les apparences du patriotisme ne saurait, à mon avis, constituer la moindre circonstance atténuante. À tout prendre, j'aime mieux un traître qui a eu le courage de ses opinions qu'un traître qui, par lâcheté, s'est donné quelques instants par jour et en se cachant soigneusement des allures de patriote. Voilà qui est formidablement bien écrit, évidemment, Fabrice Virgile et François Rouquet, quand on parle de maquignonnage. On a évidemment en 1944, puisque c'était un éditorial du 6 novembre 1944, en tête Pierre Laval, évidemment, qui était souvent comparé à un maquignon de la politique de l'entre-deux-guerres. En l'occurrence, ce que dit Jean Guinbert dans cet éditorial, c'est que il y aura à la Libération des gens qui, d'une certaine façon, on est à la Libération à ce moment-là, tout le territoire n'est pas libéré, mais il est déjà en partie libéré, il y aura des gens qui diront « mais j'ai caché des Juifs, j'ai aidé tel ou tel, et je n'ai pas été qu'un collaborateur des Allemands ». Il y a une grande différence entre ce que vous disiez tout à l'heure, Fabrice Virgili, en citant le cas de Pierre Pucheux, on est au printemps 1944, il est exécuté au printemps 1944, là on est en novembre 1944, et entre-temps, il y a eu l'été. Il y a eu l'été, on est en novembre, donc le débarquement a eu lieu, le début de la libération et la plus grande partie de la libération a eu lieu, puisque les trois quarts du territoire sont libérés. Et on a bien vu que, après avoir eu lieu dans l'Empire, comme on l'évoquait, l'épuration non seulement a lieu au moment de la libération sur le territoire métropolitain, mais avec une sorte de frénésie et de volonté, un sentiment d'urgence d'appliquer cette épuration. Ce n'est pas une tâche accessoire, c'est une condition à la poursuite de la guerre, à la libération et au redressement du pays. Et donc il y a une aspiration populaire, mais aussi politique, d'arrêter les personnes que l'on considère comme ayant trahi, puisque c'est quand même l'idée de la trahison qui reste le... Il faut châtier les collaborateurs. Il faut châtier les collaborateurs qui sont à ce moment-là encore des ennemis qui peuvent combattre. Donc on est à la fois dans le prolongement de la guerre qui n'est pas terminée et dans déjà l'idée de la justice qui doit s'appliquer de manière implacable. Mais on le voit, on l'entend bien dans cette archive, déjà un sentiment qu'il y a eu trop d'indulgence, que tout ne se passe pas idéalement. Et ça, on le perçoit très vite finalement. Oui, et c'est vrai qu'une des grandes questions, c'est de savoir comment faire cette justice, qu'elle ne soit pas expéditive, mais qu'elle néanmoins, elle châtie les collaborateurs. Et ça, c'est une des grandes questions que se posent tous ceux qui, à partir du 6 juin 1944, voient le territoire se libérer. Et donc, ceux qui ont pendant des années collaboré avec les Allemands, ils ont la possibilité d'être enfin châtiés. Que va-t-on faire avec eux? Et là, on voit, et c'est le grand intérêt de votre travail dans Les Françaises, les Français et l'épuration, François Rouquet avec Fabrice Virgili, on voit des variétés de formes de répression, pourrait-on dire, ou de vengeance. Oui, absolument, mais je crois que c'est ça qui est très important, c'est qu'au-delà de la discussion théorique sur la définition du collaborateur, qui existe naturellement, mais je crois qu'il y a une vraie volonté, c'est la raison de ce livre, de montrer à quel point cette épuration, elle est d'abord réclamée, comme le disait Fabrice, par la société française. Par en bas. Qui n'est pas question de se remettre au travail avec les mêmes chefs, avec les mêmes contremaîtres, avec d'ailleurs parfois une représentation de leur action qui est totalement disproportionnée, c'est-à-dire que les cadres qui éventuellement se trouvaient à négocier avec les Allemands le faisaient parfois de très mauvais cœur. Mais bon, il y a cette image, cette idée qu'il faut absolument que la société change et qu'on ne va pas reconstruire celle d'avant-guerre. Et vous dites même qu'il peut y avoir un ersatz de guerre civile, mais c'est un ersatz de guerre civile, et guerre civile. C'est-à-dire qu'on a souvent imaginé qu'il y avait une guerre civile qui se déroulait pendant cet été 44, ça n'est pas le cas, et vous êtes tous les deux très formels sur cette question-là, il n'y a pas de guerre civile, on n'est pas en Italie au moment de la défaite de Mussolini, même si certains d'ailleurs en Italie discutent aussi ce terme de guerre civile, mais en tout cas, en France, ça n'est pas du tout le cas de ce qui se passe en France, François Rouquet. Alors, ça reste un débat avec quelques collègues, dans des discussions qui sont parfois enflammées. Non, je ne crois pas qu'on puisse parler de guerre civile dans la mesure où, dès que les territoires sont libérés, eh bien les collaborateurs s'enfuient, les Allemands s'enfuient, il peut y avoir une forme de résistance militaire pendant la bataille de Normandie, et puis après, ça n'est finalement qu'une fuite qui fait que les villes s'auto-libèrent pour quelques rares d'entre elles, mais on ne peut pas appeler ça une guerre civile, non, je ne crois pas, même s'il peut y avoir des foyers peut-être pour ressembler de guérilla civile à certains endroits. Ce qui est très intéressant, en revanche, dans le phénomène, c'est la manière dont, dans beaucoup d'endroits, on va rejouer la libération, on va trouver un moyen d'être actif, d'être acteur de cette libération. Et l'épuration, de ce point de vue, est un excellent moyen de montrer qu'on va aussi reconquérir donc, le territoire, les places symboliques du pouvoir, la place de la mairie, le champ de Mars, le champ de foire. Bon. Il y a d'ailleurs des... C'est ce qui nous semble le plus intéressant, c'est finalement cette manière dont, je dirais pas spontanément, parce que tout cela est très préparé dans la mesure où c'est encadré souvent par les organismes de résistance, mais on va mettre en scène aussi une sorte de réappropriation du pouvoir en mettant en scène l'épuration. Ce sur quoi vous aviez travaillé déjà, tous les deux, François Rouquet et Fabrice Virgili, c'est effectivement sur les scènes, pourrait-on dire, les scènes de l'épuration. Il y a des scènes qui sont des scènes mouvantes, comme des carnavals qui se déroulent sur avec un point de départ, un point d'arrivée. On va chez le collaborateur, par exemple, pour pouvoir l'humilier, le faire ramener, le faire discuter avec lui, le frapper parfois violemment, peut-être pas toujours l'exécuter, mais en tout cas le faire quelque chose qui, d'une certaine façon, montre que la période a changé. Et il y a d'autres scènes qui sont des scènes fixes, qui sont différentes, et ces scènes sont alternées, pourrait-on dire, et pas toujours présentes, toujours dans les mêmes villes, en l'occurrence, Fabrice Virgili. Oui, mais c'est vrai que ce qu'on a souvent renvoyé à l'irrationalité, à la spontanéité de la foule, comme souvent quand il s'agit de mouvements populaires, ce qu'on a souhaité montrer, ce que montrent aussi les archives et tous les travaux... Ce sont des figures. Voilà, ce sont des figures. On est vraiment dans un imaginaire de l'épuration et de la libération, et qu'en fait, c'est vraiment une participation, une volonté de s'approprier un espace qui a été confisqué par l'occupant et la volonté de peser sur l'événement, puisque jusque-là, on l'a subi. Et dans cette manière de vouloir peser sur l'événement, on va s'en prendre à celles et ceux que l'on connaît autour de soi qui sont réputés collaborateurs. Et alors, évidemment, il faut définir la fonction de collaboration. Qu'est-ce que c'est d'avoir collaboré ? Est-ce que c'est... et là, évidemment, on arrive à votre sujet principal, ce sur quoi vous avez fait votre thèse, en l'occurrence Fabrice Virgili, d'avoir couché avec des Allemands. En fait, vous expliquez très bien que dans la question des tontes des femmes à la libération, une question de genre que vous connaissez bien, eh bien, en l'occurrence, il y a la moitié des femmes qui ont été tondues, qui ont été effectivement amoureuses ou qui ont eu des relations sexuelles avec des Allemands, et que l'autre moitié, eh bien, ce sont des personnes qui ont fait les mêmes choses que des hommes ont pu faire dans la société, mais qui n'ont pas été tondues, et qu'il y a une dimension genrée dans cette sanction de la tonte des femmes à la libération. Oui, sans aucun doute. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de marquer les femmes et de leur infliger un châtiment supplémentaire et non pas alternatif, parce qu'elles sont des femmes, parce qu'il faut réaffirmer le pouvoir sur les femmes, et puis aussi réaffirmer une virilité française mise à mal par la défaite. Regagner la virilité perdue. C'est ça, c'est la question exactement. Ce que vous expliquez dans votre France virile, effectivement, et que vous redonnez dans un chapitre de ces Françaises et Français sous l'épuration. Et vous expliquez, François Rouquet, par exemple, qu'il faut aussi des médias pour pouvoir faire passer cette question de l'épuration. Il faut une presse rénovée, une presse qu'on appelle républicaine. La plupart des titres qui se créent à ce moment-là, en 1944-1945, sont des titres qui portent le titre de République ou de Républicain dans le titre. Et cette presse-là va servir de médium pour pouvoir faire passer eh bien, qui va être attaqué pour dire eh bien il y a un tel qui va passer en procès ou une telle qui va passer en procès, et pour rendre compte, pourrait-on dire, de cet écho de l'épuration auprès du public le plus large, François Rouquet. Oui, et puis alors la presse, naturellement, c'est le symbole de la liberté retrouvée. Et il n'est pas question, là encore, qu'elle puisse appartenir au, à ce qu'on appelle le grand capital ou au patronat. Il faut que cette presse soit libre, qu'elle soit un lieu d'échange et qui soit. C'était d'ailleurs dans le programme du CNR, hein, c'est-à-dire cette idée que on allait reconstruire une France nouvelle avec un programme de nationalisation, une presse qui soit indépendante, qui ne puisse pas tomber sous la coupe des puissances d'argent. Et bien sûr, cette presse qui est encore, alors au tout début, compte tenu des restrictions de papier, de simple, souvent une simple feuille. Hein, bien sûr. Voilà. Recto verso. Mais bien sûr, c'est là qu'on va donner la liste des gens qui vont être punis, qui vont être arrêtés, etc. Oui. Alors il y a évidemment ceux qui sont peu connus, sinon de leurs voisins, sinon de la ville dans laquelle ils vivent, mais il y a ceux qui sont les plus connus, par exemple Pierre Laval, une archive du mois de juillet 1945 sur la chaîne nationale. Retour d'Allemagne, de cette Allemagne dont il souhaitait la victoire, Pierre Laval est à Fresnes. À Fresnes, qui fut pourtant de patriotes qui, eux, avaient travaillé à la défaite de l'Allemagne, l'antichambre de la déportation, de la torture et de la mort. Il avait cherché refuge en Espagne, où il pensait qu'on le protégerait. Procédurier, il comptait que la procédure le sauverait, ou du moins retarderait l'heure du châtiment. Il espérait peut-être que les Américains hésiteraient à le livrer, ou bien a-t-il choisi délibérément pour rentrer en France le moment où l'on y juge Philippe Pétain. Et l'on peut se demander alors s'il l'a fait pour alléger le sort de celui qui fut son chef, ou au contraire pour l'accabler. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que l'on soit décidé à suspendre pour autant le procès du maréchal, et il n'est même pas encore certain que l'on envisage de citer comme témoin l'ancien président du Conseil. Il est permis de penser cependant que l'on y sera amené par la force même des choses, quand on en viendra à examiner ce que fut le rôle de Pétain de l'armistice de 1940 au jour d'août 1944. Alors voilà une archive de Jean Guinbert, une chronique de Jean Guinbert sur la chaîne nationale. Nous sommes en juillet 1945, Fabrice Virgili, en avance dans le temps. Ça n'est plus exactement la même période de celle dont nous parlions tout à l'heure au propos de l'automne 1944. Effectivement, on s'intéresse à ces figures, pourrait-on dire, que sont Philippe Pétain et Pierre Laval, qui, d'une certaine façon, cachent l'ensemble de ce qui se passe sur le territoire français. Parce que ce que vous expliquez très bien avec François Rouquet, c'est qu'il y a des procédures qui ont été pensées en amont, on l'a dit, du côté de l'Algérie, quand il s'agissait de reconquérir le territoire français. Il y a eu une base, pourrait-on dire, la Corse. Qu'est-ce qu'on fait en Corse quand on libère ce territoire, premier territoire libéré de la France métropolitaine? Et puis ensuite, il y a la mise en place un peu partout de procédures. Et cela, c'est évidemment très intéressant parce que on a en tête, et on avait fait un documentaire dans la Fabrique de l'Histoire il y a très longtemps sur l'épuration à Pamiers. On a en tête ce tribunal populaire qui se met en place à Pamiers pendant quelques jours et qui est resté comme un moment traumatique, assez proche d'ailleurs de ce que raconte à propos de la défaite de 1870 Alain Corbin sur le village des cannibales. Mais il y a des procédures qui sont très différentes et Pamiers est plus une exception qu'une réalité qu'on peut reproduire sur l'ensemble du territoire, Fabrice Virgili. Oui, on reprend l'étude qu'avait fait Pierre Laborie sur Pamiers. C'est vrai que la manière dont se déroule l'épuration, là on est au cours de l'été 1944 à Pamiers, est particulièrement violente et on peut dire cruelle dans ses pratiques, puisqu'on a un nombre d'exécutions et de lynchages. Et des pratiques sur les corps, etc., etc., très terribles. Mais c'est vrai que Pamiers reste une exception et que l'ensemble des juridictions qui étaient donc prévues se mettent en place au cours de l'automne 44, octobre et dans les semaines qui suivent sur l'ensemble du territoire. Avec une sorte de décalage chronologique qui peut paraître, qu'il est important de se restituer parce que finalement, on va d'abord juger les gens que l'on a près de soi. Oui. Alors que les principaux dirigeants sont partis de gré ou de force, en Allemagne, avec les Allemands, et c'est le cas de Laval et de Pétain, ils sont à Sigmaringen. Donc on juge finalement des seconds couteaux, même si certains sont des seconds couteaux de haut vol, avant les principaux dirigeants. Et là, c'est vrai qu'il y a une sorte de contradiction, puisque au moment où le procès Pétain commence au cours de l'été 1944, déjà beaucoup de procès ont eu lieu, des exécutions, des peines d'emprisonnement, même des appels. Une grande partie de l'épuration a déjà eu lieu. Et donc, ce qu'on voulait essayer de montrer, parce que alors, des travaux sur le procès du maréchal Pétain et celui de Pierre Laval, il y en a à profusion. Mmh. On pourrait écrire, je pense, sans difficulté, 600 pages, et même le double rien que sur ces procès. Mais ce qu'on voulait essayer de montrer, c'est comment, finalement, la société française vit ces procès. S'empare. Voilà. Elle les a attendus longtemps, ça a été les objets dès que Pétain revient, donc en mai 45 et puis Laval deux mois plus tard, de manifestations, de pamphlets en faveur de sa condamnation, de petits pavillons, et on le montre, hein, comment on va, les renseignements généraux, la police va traquer ces petits, on dit pas autocollants à l'époque, mais papillons. Collés de ci de là, en faveur parfois du maréchal Pétain ou pour l'indulgence. Et donc on a vraiment une population française qui s'intéresse à ce procès, quand bien même l'ennui apparaît au fur et à mesure. Les journalistes décrivent, après une semaine, deux semaines, l'ennui qui est brisé par l'arrivée justement de Pierre Laval qui va témoigner. Et je crois que ce procès Pétain, puis ensuite Laval, c'est évidemment d'une certaine manière le moment fort parce qu'on juge les deux principaux responsables de la collaboration. Mais en même temps, ils ne sont qu'un moment au milieu de l'été entre un processus bien plus long. Oui, et il faut dire, François Rouquet, combien tous les vainqueurs de cette guerre, de cette Seconde Guerre mondiale, ne sont pas d'accord sur la façon d'appliquer cette épuration, de la mettre en œuvre. Il y a des tensions, à l'intérieur des libérateurs, pourrait-on dire, de ceux qui mettent en place le gouvernement provisoire, et tout le monde ne pense pas la même chose. Il y a ceux qui sont plus maximalistes, ceux qui pensent qu'au bout du compte, il faut quand même avoir des personnes qui puissent diriger la France au sortir de la guerre. Et donc, sur la façon de juger et sur le poids du jugement, tout le monde n'est pas d'accord, François Rouquet. Non, bien sûr. Et puis je crois qu'il ne faut, pas perdre de vue que notre vénéré général de Gaulle aujourd'hui demeure à l'époque quelqu'un qui sort du néant, qui a déclaré qu'il était la France à lui tout seul en 40, et puis voilà, et qui a dû se débrouiller pour tenter de se faire d'abord exister lui-même, et puis les rares troupes qu'il avait au début, et puis ensuite bon le mouvement qu'il a représenté. Donc sa légitimité, elle est tout à fait virtuelle, pourrait-on dire. On l'appelait le général radio. Donc fatalement, on ne sait pas trop, les alliés ne savent pas trop ce qui va se passer, quelle est la légitimité du gouvernement qui va se mettre en place, et une fois qu'il est à Alger, ensuite et quand il va ensuite s'installer en métropole. Et puis il y a cette inquiétude aussi du rôle des communistes. Le Parti communiste à l'époque est extrêmement important, hein. Les premières élections lui donnent 25% des voix après-guerre. Donc ça représente naturellement, et là ça illustre d'ailleurs bien ce qui se passe au cours de l'épuration, c'est que le contexte va changer, et on le voit dans les épurations européennes très vite. C'est la guerre froide qui va l'emporter l'épuration, et qui va donc imposer sa loi, dicter sa loi d'une certaine manière. Ce que vous expliquez très bien dans un des chapitres des Françaises, les Français et l'épuration, puisque vous parlez du Parti communiste, eh bien écoutons cette archive du 3 septembre 1945. C'est Canel du Comité parisien de libération qui s'exprime. Parisienne, parisien. Le Comité parisien de la libération a été, pendant toute la période de l'occupation, à la pointe du combat des patriotes de notre département contre les Boches et leurs valets de Vichy. C'est lui qui a organisé et dirigé l'insurrection victorieuse du mois d'août 1944 qui a libéré notre capitale des occupants nazis. C'est pourquoi il s'associe avec enthousiasme à la volonté exprimée dimanche dernier par les électrices et électeurs de la France entière, et notamment par ceux du département de la Seine, d'achever la victoire au plus tôt et d'en finir une fois pour toutes avec toutes les formes de la réaction et du fascisme plus ou moins camouflés. C'est en fait le programme d'action du Conseil national de la Résistance qui a été plébiscité par des centaines de milliers de Parisiennes et de Parisiens qui en ont réclamé l'application immédiate. Ce programme, accepté par tous les partis, mouvements et organisations, il y a tout juste un an, prévoit tout d'abord le châtiment des traîtres et l'éviction de tous ceux qui ont collaboré avec l'occupant, et il est temps, 8 mois après la libération, de mettre en pratique cette mesure de salubrité nationale au moment où les collaborateurs et les hommes des trusts relèvent la tête et où ils veulent se servir du traître Pétain pour jeter la division dans notre population. Inutile de se poser la question de où parle Canel, en l'occurrence, pour ce comité parisien de libération, en l'occurrence Fabrice Virgili, le châtiment des traîtres, le traître Pétain. D'ailleurs, dans la suite de cette archive, Canel demande, en l'occurrence, la possibilité de condamner à mort le maréchal Pétain. Et les Boches et les valets de Vichy sont évidemment les ennemis de celui qui parle à ce moment-là. Mais on sent déjà, dans ce moment de septembre 1945, un début de division. Et même, elle est déjà là depuis un certain temps, cette division, Fabrice Virgili. Très nettement. Les premiers signes de cette division apparaissent déjà à l'automne 1944. Mais c'est vrai que longtemps, il y a quand même un sentiment très largement majoritaire qu'il faut punir et que c'est une des tâches prioritaires. Mais là, la situation a changé. La guerre est terminée, en Europe comme en Asie. Pétain est jugé au cours de l'été. Et puis, des formes de violence épuratrices qui ont encore lieu lors du printemps 1945. Et souvent avec, pas forcément le soutien, mais en tout cas, une attitude relativement satisfaite vis-à-vis de ces violences qui viennent un peu rééquilibrer une épuration qu'on considère parfois indulgente. À partir de l'été 1945, très nettement, il n'y a plus cette indulgence. Il y a une volonté de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment une sorte de contradiction, je ne sais pas, mais il y a une ambivalence de la population tout au cours de cette année qui vient de s'écouler entre la volonté de régler les comptes, parce qu'il y a des comptes à régler, mais aussi de passer à autre chose, de passer à la paix. Il y a une aspiration à une société pacifiée, et c'est vrai que des attaques de prison, des exécutions, ce type d'événements ne vont pas dans ce sens-là. Et donc, la division s'exprime d'un point de vue politique, comme on vient de l'entendre, mais aussi parmi la population, entre un courant de plus en plus fort qui dit, bon, maintenant, on reconstruit, on quitte la guerre. Oui, cette question de l'indulgence est une question essentielle qui est au cœur de votre livre à tous les deux, François Rouquet et Fabrice Virgili. François Rouquet, les Françaises, les Français et l'épuration, eh bien, c'est ce moment, c'est est-ce qu'il faut continuer à être indulgent? Est-ce qu'il faut continuer à être sévère vis-à-vis de ces traîtres et qu'on doit châtier? C'est une question qui, là, est vraiment au cœur de l'année 1945. Au cœur de l'année 45, et on pourrait même... Alors, tout de même, en 45, il y a aussi l'Alsace, hein, qui est la dernière partie du territoire. Il y a d'ailleurs un chapitre entier qui est consacré à cette question-là. Avec, là encore, une situation qui est très particulière. Et puis, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est, dans la construction de l'opinion, c'est les restrictions et, on pourrait dire, pratiquement la famine qui continue, qui envahit l'Europe en 1945-46. L'année 46 est la pire du point de vue alimentaire, avec des doses d'aliments qui sont autour de 1000 calories ou 2000 calories au mieux, et parfois 800 dans les villes en Europe de l'Est. Enfin bon, on a vraiment là une situation qui est absolument dramatique et liée, on n'a pas le temps d'en parler, mais à la crise céréalière, à des problèmes météorologiques. Enfin bon, et cette conjonction, et la guerre naturellement, cette conjonction fait que la réalité du quotidien l'emporte vraisemblablement sur les questions qui pourraient, enfin, dans la politique dont on pourrait relever l'épuration. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qu'il ne faut pas perdre de vue. La société française pense qu'avec la fin de la guerre, eh bien, on va retrouver très rapidement l'opulence, on va avoir à manger. Eh bien, pas du tout. Je vous rappelle qu'il y a des tickets de rationnement jusqu'en 48, jusqu'en 49 même pour les vêtements, je crois. Et donc voilà, cette réalité du quotidien, elle l'emporte très certainement sur les aspirations idéalisées. Et Fabrice Virgili. Pour ajouter un mot, on le montre également, on voit comment dans certaines manifestations, dans certains tracts, affichettes, la revendication pour une meilleure alimentation, pour un meilleur approvisionnement, va être entremêlée d'une revendication pour une épuration plus radicale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les deux viennent se croiser, parce que c'est vrai que cette préoccupation du quotidien, comme le disait François Rouquet à l'instant, prime à certains moments. Oui, alors, une des grandes vertus de votre travail, François Rouquet, c'est d'avoir élargi le spectre, c'est-à-dire d'avoir fait une histoire comparée aussi, parce qu'à certains moments, dans certains chapitres, vous vous dites, eh bien, la France n'est pas seule, d'autres pays, évidemment, connaissent ces moments de justice qui sont réclamés après la fin de l'occupation, et il y a là une façon aussi de rendre compte de ce qui s'est passé dans le domaine de la recherche. C'est vrai vrai que depuis une vingtaine d'années, de grands colloques se sont tenus, comparatistes, entre ceux qui ont vécu l'occupation en Belgique, aux Pays-Bas, en France ou ailleurs, et qui puissent permettre de comparer les situations et la façon dont on sort de ces situations de guerre, François Roquet. Oui, absolument. Finalement, ce n'est là que on pourrait même faire remonter ça à la Première Guerre mondiale avec les procès de Leipzig. Mm-hmm. Mais on a là finalement les premiers linéaments d'une justice internationale qui, absolument, qui était déjà posée à la fin de la Première Guerre mondiale. Avec d'ailleurs ce procès de Nuremberg qui va d'une certaine manière servir de modèle, qui sert encore de modèle aujourd'hui, tentatives souvent difficiles à mener de justice internationale dans les différents pays en conflit. Donc oui, là, on a rédigé ce chapitre sur ce continent à refonder, cette justice telle qu'elle peut se dérouler dans les différents pays européens. Et là, on voit évidemment que selon les situations, selon la nouvelle donne liée à la guerre froide, eh bien évidemment, l'épuration prend un tour ou un autre. On essaie de montrer finalement que, de donner ces exemples pour qu'on puisse replacer l'épuration en France dans son contexte européen. Et puis je crois qu'on essaie de montrer aussi que ça, il est sans doute assez difficile d'assumer ce que je vais dire, mais je crois qu'on l'assume, c'est que finalement, tout bien pesé, l'épuration telle qu'elle se déroule en France, en dépit évidemment de toutes les réserves qu'on a pu faire et de la complexité qu'on a pu montrer, elle n'est pas si mal faite que cela, et en dépit de l'impression que le phénomène a laissé, puisque tant dans le monde résistant que dans celui a fortiori de la collaboration, elle a laissé de mauvais souvenirs. On a fait un chapitre d'ailleurs qui s'appelle l'insatisfaction en mémoire. On va y revenir dans un instant après avoir écouté cette archive, une tribune de Paris du 17 août 1946 sur la chaîne nationale. On voit débattre là autour de Paul Guimard, des gens comme Jean Guinberg, qu'on a déjà entendu, de Franc-Tireur, Jean-Georges Mamie de l'Aube, ou encore Gaston Papelou de la Dépêche de Paris. Mais les trois qui sont aux prises lors de ce petit échange qu'on entendra dans un instant, c'est Michel Morin, le premier, du Populaire, Pierre Hervé de l'Humanité, et Louis-Gabriel Robinet, du Figaro. Moi, en tant que politique, je crois à la chirurgie sociale. Dans certaines conditions révolutionnaires, il est nécessaire pour sauver une politique, n'est-ce pas, pour appliquer une tactique politique, pour assurer un gouvernement, il est nécessaire de supprimer les adversaires. C'est de la chirurgie sociale, on les exécute, mais ça n'est pas ça, absolument ça de la justice. Je ne partage pas la justice, c'est autre chose. Louis-Gabriel Robinet, voulez-vous me permettre d'abord de vous indiquer qu'il ne vous reste que 4 minutes, monsieur? Eh bien, s'il ne reste que 4 minutes, je voudrais employer les quelques secondes que vous m'accordez à dire ceci, c'est que je ne peux pas arriver à comprendre, et je ne comprendrai jamais, n'en déplaise à Hervé, qu'on puisse accoler le mot haine au mot justice. Ce sont deux mots qui, à mon avis, ne peuvent pas aller ensemble, et tant qu'on voudra les mettre ensemble, nous serons sur le chemin qui nous conduira non pas à la reconstruction de notre pays, mais à la catastrophe sociale. Voilà ce que je crains. Pierre Hervé? Mais c'est là une politique. Parce que s'il y a cette discussion intervient aujourd'hui, c'est qu'il y a une politique, comme on dit, d'embrassement et de réconciliation. C'est qu'il y a un tas de gens qui ont besoin de tous ces hommes qui ont servi sous Vichy. Le temps des assassins peut encore arriver un jour, alors on a besoin encore de ces préfets maritimes, de ces bourreaux, de ces policiers, de ces juges. Et c'est pour ça qu'on veut les sauver. Mon cher Hervé, vous ne ferez jamais de moi l'apologiste du coup de pistolet dans la nuque. Voilà où vous en arriverez avec votre théorie. Et en France, ce qui est bien pénible. Voilà donc ce que disaient Louis-Gabriel Robinet, Pierre Hervé de l'Humanité et Michel Morin du Populaire. Fabrice Virgili, on voit bien qu'en 1946, nous sommes en 1946, il faut le rappeler, et même en août 46, eh bien les débats sont encore très vifs autour de cette question de ce qu'il faut faire de ceux qui ont collaboré avec les amants. Et c'est un prélude à la fin de notre émission. Est-ce que vous dites dans le dernier chapitre de votre ouvrage avec François Roquet, Les Françaises, les Français et l'épuration, chez Folio Gallimard, c'est l'insatisfaction. C'est-à-dire que malgré ce qui s'est passé, malgré ces jugements, malgré cette épuration qui s'est mise en place, eh bien, il y a cette idée que ça n'est pas fini. Il y a encore quelque chose qui continue. Oui, on est sur un phénomène massif. On n'a pas trop prononcé de chiffres pour une fois, et c'est peut-être une bonne chose tellement ça a longtemps polarisé la question. Mais allez-y. 350 000 procédures au moins engagée, c'est-à-dire que c'est un nombre de familles pour l'épuration. Donc un nombre de familles, des millions de personnes derrière, et puis les gens qui ont subi aussi l'occupation. Donc on est vraiment sur un phénomène social qui est vécu là collectivement. Et donc il y a des insatisfactions, certains trouvant que ça ne va pas aller assez loin, d'autres au contraire qu'on manque d'indulgence et comment cette légende du bain de sang qui ne cessera de se poursuivre. Grâce à Robert Aron en particulier. En particulier. L'historien de l'histoire de l'épuration. Voilà, mais c'est vrai que ça fait un moment que les historiens, les corporations qui travaillent sur le sujet ont montré que bon, il n'y avait pas eu de bain de sang. Mais néanmoins, cette insatisfaction, voilà, et qui ne va cesser. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui encore, jusqu'à l'été dernier, on sent l'idée qu'elle n'a pas eu lieu, ou que ce ne sont que des lampistes, qu'elle a été pratiquée par les résistants de la dernière heure, etc., etc. Alors que votre travail montre tout le contraire, François Rouquet. Oui, alors c'est vrai que cette insatisfaction, elle est aussi, il faut bien le dire, entretenue dès la fin de la guerre, depuis la Suisse d'ailleurs, où sont réfugiés beaucoup de collaborateurs. Elle est entretenue évidemment par les anciens épurés ou par ceux qui devraient l'être, qui d'un seul coup vont se jouer un jeu d'équivalence en disant au fond, mais nous avons souffert autant que les Juifs, nous avons été aussi à Drancy, à la santé, voilà, c'est simplement la roue de l'histoire qui tourne. En fait, il joue cette espèce d'équivalence qui paraît absolument insupportable, qui est de se poser en victime comme les Juifs ont été victimes des nazis. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment sous la plume de ces épurés. Les Françaises, les Français, l'épuration, c'est dans votre volume, François Rouquet et Fabrice Virgili, qui vient tout juste de paraître, un inédit en folio histoire. Il faut saluer justement cet inédit parce qu'il ne coûte que 11,90 € et tout le monde peut se procurer. Il y a plus de 800 pages pour pouvoir expliquer ce phénomène de l'épuration en France. Merci à tous les deux. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati et la réalisation était assurée par Thomas Duterre. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ou toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. À demain, nous parlerons de demandes de justice dans l'histoire.